Où était la réunion? Où était la réunion? Ça même nous nations. Où était la réunion? Ça même nous nations. Où était la réunion? Ça même nous nations. Culture mélangée, tradition pas oubliée. Ôter la réunion, ça même nous nation. Culture mélangée, tradition pas oubliée. Ôter la réunion. Culture mélangée, nous tracer et rayonner. N'oubliera jamais quand nous rap en français. Le son ou l'air, il résonne dans notre cœur. Mon imposé, moi les filles, fier, mon coulet café. Bien ticket, elle est agacée. Service cabaret, puis la mosquée, masse dans le fait. Ça notre identité, ça même qualité. Rayonner qualité, tradition mélangée. Nous toutes les frères, si la terre nous ancêtre. La réunion, ça mène une nation, nation métissée. Ici, un tas qui tient les bras, c'est rose pas pour diviser. Nous unité, les renforcer par nous. Solidarité, 100% rayonner. Rayonner comme un rayon soleil, mais nous qui tient en l'air. Comme païen qui est dans le ciel, s'il faut, nous ça pas. Tant pas la mer, pour les alliés en l'air. La réunion, ça même notre nation. Qu'ils tirent mélangés, tradition pas oubliée. La réunion, ça même notre nation. Qu'ils tirent mélangés, tradition pas oubliée. Descendant dans cet Africain, ici devenait des esclaves comme les Jamaïcains. Sur une île, on a forgé un autre chemin. Et tout cela, je vous l'assure, avec notre demain. Cette terre que nos ancêtres ont baptisé en lui donnant un nom, oui, l'île de la Réunion. Sans pourtant voir des êtres vivants sacrifier la paix et la sérénité, c'est ça que nous recherchons. Enchaînés par des grilles et des murs, trop longtemps, le dos au mur. Pas encore refait, mais cette blessure et qui nous a poussé à faire du blessure. Égalité, les pas assurés, ouais, fraternité. C'est du passé, liberté, ça n'a galéré. Et te dire où y arriver, ouais. La réunion, ça même nous nation. Culture mélangée, tradition pas oubliée. La réunion, ça même nous nation. Culture mélangée, tradition pas oubliée. S'étaler tous mes sens, se mettre en éveil. Drip au prégnonné, alors ouvre bien tes oreilles. Tropical à souhait, 974, tu connais les dom-tom. On y est de mon atome, il le sait. Chaud comme la fournaise, sans cesse, sans éruption. Le hip-hop dans le sang, mais n'oublie pas les traditions. Le calypse sur la version, on représente la Réunion. Nord, sud, est, ouest, en passant par les hauts. À ma façon, je t'envoie mon île dans ta stéréo. Le rassemblement de tous les peuples, culture, origine ou bien race. Nous tous les différents, mais ensemble, nous n'a la classe. Un petit pays dans l'océan, le cœur rempli d'espoir. Surmonté d'un volcan, d'où nous vient musique noire. Comme nous ancêtres, nous la pas perdre l'espoir. Nous les fiers, nous couleurs qu'on voit à nous dans le miroir. Oh oh eh, qu'on voit à nous dans le miroir, ouais. La réunion, ça même notre nation. Qui tire mélangé, tradition pas oubliée. La réunion, ça même notre nation. Qui tire mélangé, tradition pas oubliée. À 6 ans, 10 000 sont la réunion. Les papillons.